des figurines dans le pays de l'improviste. Le passé se prend pour l'avenir. Le gros bon sens est en vacances. Les mots ne savent plus rien dire. Tout est trahi par le silence. Ouvrir les yeux, on peut même risquer. jour qui dit vient d'un que j'allume la mémoire. Et trop de nono pour être méchant, c'est toi qui as choisi la nuit noire. T'as choisi les pays d'oubli pour apprendre à battre. Moi l'oreille au bout de ton cri, demande-moi que je t'éveille.